franceinter.com. Au départ, ce pourrait être l'histoire d'un vieux couple. On s'aime, on se dispute, on aspire à se rabibocher. Mais pour sceller les retrouvailles, l'offensé exige un gros cadeau. Ce que finit par accepter l'offenseur, même s'il lui en coûte beaucoup. Ainsi peut-on résumer le début d'une affaire qui a fait scandale des deux côtés du Rhin dans les années 90. Le couple, c'est celui que forment l'Allemagne et la France, incarnés par leurs dirigeants respectifs, le chancelier Helmut Kohl et le président François Mitterrand. Le duo moteur de la construction européenne et au-delà, deux hommes qui sont, à l'instar de leurs prédécesseurs, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, d'ardents partisans de la réconciliation franco-allemande. Personne n'a oublié la photographie de Verdun prise en 1984. Kohl et Mitterrand, la main dans la main, rendant hommage aux victimes de la Grande Guerre. Toutefois, 5 ans plus tard, cette image harmonieuse se brouille. Le mur de Berlin tombe, la réunification devient possible. Kohl s'enthousiasme et se lance à corps perdu dans l'entreprise. Mitterrand, lui, n'a rien vu venir et se méfie. Une réunification précipitée et grosse d'incertitudes et peut-être même de menaces, le couple franco-allemand vacille. Pourtant, après quelques mois difficiles, les deux dirigeants se rapprochent. Mitterrand a obtenu satisfaction sur plusieurs points essentiels. Son partenaire a accepté de ne pas remettre en cause la frontière de l'Est avec la Pologne. Il a aussi renoncé solennellement à l'arme nucléaire et décidé de se lancer avec la France dans le projet de création d'une monnaie européenne. Mais, en retour, Kohl veut qu'on l'aide. La réunification est une tâche immense et surtout très coûteuse. Paris doit s'engager. Le cadeau que réclame Kohl pèse 20 milliards. C'est le prix à payer pour réhabiliter le site de Lena, où le chancelier entend symboliquement construire une des raffineries les plus modernes d'Europe qui sauvera l'industrie chimique allemande. Mais la mise en œuvre de ce gigantesque projet va mettre en lumière de curieuses pratiques de corruption politique dans les deux pays. La suite, dans un instant, avec Monsieur X. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und da wird einmal ein Wunder. Ich weiß, es wird uns schnell kann keine Liebe vergehen. So groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern. Dein Schicksal ist doch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. J'espère que vous me pardonnerez de me laisser aller à mon penchant pour l'histoire. Alors, quelques mots sur le Nain. Une localité située à une trentaine de kilomètres de Leipzig, dont la principale richesse consiste en mines de lignite. En Allemagne de l'Est, par conséquent. Et c'est pendant la Grande Guerre que la première usine de Lena voit le jour. On y fabrique des gaz de combat. Puis on va s'y intéresser aux carburants de synthèse. D'abord le méthanol, puis l'essence. Et dans les années 30, cette fabrication devient stratégique. Ah oui, parce que Hitler prépare déjà la future guerre. Et que l'Allemagne est dépourvue de ressources pétrolières propres. Donc, l'essence produite à Lena va jouer un grand rôle au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi les Alliés vont s'acharner à détruire ces installations de raffinage. On comptera jusqu'à 6000 attaques aériennes sur le site. Et résultat ? À la fin de la guerre, 80% du complexe chimique sont détruits. Lena ferme et les Soviétiques démantèlent ce qu'il en reste. Mais en 1949, les Allemands de l'Est réoccupent le site. Lena devient un combinat chimique qui produit essence, médicaments, produits ménagers et même articles de beauté. 30 000 personnes y travaillent. Et pour les dirigeants de la RDA, Lena est une sorte de vitrine du communisme. Oui, mais il n'est plus question d'essence de synthèse. Non, la raffinerie transforme du pétrole qui arrive par oléoduc du RSS. L'oléoduc de l'amitié, comme l'appellent les communistes. Alors, quand survient la réunification, là, quelles sont les conséquences pour le combinat de Lena ? Les installations industrielles, comme beaucoup d'autres en RDA, sont jugées obsolètes. En tout cas, elles ne sont pas jugées capables de survivre dans la nouvelle économie de marché qui est imposée par le pouvoir. Lena sera donc l'une des entreprises, parmi des milliers d'autres, que la Treuhand, chargée des privatisations dans l'ex-RDA, va tenter de vendre. Et c'est un très gros morceau. Oui, car le gouvernement fédéral a de grandes ambitions pour Lena. Il envisage de construire sur le site une raffinerie ultramoderne capable de raffiner annuellement 10 millions de tonnes de pétrole. Et l'investissement nécessaire est évalué à 20 milliards de francs. Et l'Allemagne, à qui la réunification coûte très cher, va faire appel à des investisseurs étrangers. Forcément. Et le chancelier Kohl s'adresse en priorité à la France. C'est aussi pour lui une façon de rappeler à Mitterrand son peu d'enthousiasme pour la réunification. Rachetez-vous, c'est ça. Kohl n'a pas dû s'exprimer ainsi, mais effectivement, il a dû faire comprendre à son compère Mitterrand qu'il convenait d'accomplir un geste. Ouais, pour effacer les manquements passés. Si vous voulez. Et la compagnie Elf, qui est encore une entreprise publique, est fermement priée de faire acte de candidature pour reprendre Lena et participer à sa renaissance. En même temps, il faut le souligner, c'est un signal très fort que la France adresse à l'Allemagne, car il s'agit du plus gros projet industriel franco-allemand. J'ajoute que Thyssen, un important groupe d'Outre-Rhin, est associé à l'entreprise. Et dès le début de 1992, un accord de principe est signé. Il est prévu que les travaux doivent commencer en 1994. Mais avant tout, l'affaire est politique, non ? Incontestablement. Mitterrand a ordonné et Elf a dû obéir. Vous insinuez là que les dirigeants de la compagnie n'étaient pas forcément partants. En effet. L'état-major de Elf estimait non seulement que le coût était très élevé, mais que sa fiabilité n'était pas garantie. Et ça tenait en particulier à la localisation géographique de Lena, à près de 400 km de la côte la plus proche. Ah, et d'habitude, on construit les raffineries au plus près de la mer. Et donc, près d'un port où peuvent accoster les tankers. Et si ce n'est pas le cas, il faut construire un oléoduc entre un port et les installations de raffinage. Un coût supplémentaire. Autre interrogation des dirigeants de la compagnie Elf. En même temps que Lena, les Allemands mettent dans la balance le réseau de commercialisation qui existait en RDA. Les stations-service ? Un millier, qui était jusque-là exploité par le monopole Minol. C'est pas un plus, ça ? Certes, mais chez Elf, on fait remarquer que ces stations-service ont besoin d'un sacré dépoussiérage. Et cette indispensable rénovation va encore ajouter à la note. Mais, m'avez-vous dit, les dirigeants d'Elf doivent s'incliner. Eh oui, ils n'ont pas le choix. Le président de la compagnie, Loïc Le Floch-Prigent, a été nommé par François Mitterrand. Donc, il s'incline, d'autant que Kohl lui a fait miroiter que les collectivités locales apporteront leur concours à ce grand projet. Mais sous quelle forme, là ? Des subventions publiques. Ouais. Jusque-là, enfin, à part cette injonction politique, rien d'anormal, même si Paris ça fait un peu tirer l'oreille. Bah, il faut encore observer que pour Helmut Kohl, c'est une excellente opération. En effet, 1994 est une année électorale. Et le chancelier candidat à sa propre succession pourra faire valoir à ses électeurs qu'il a tout fait pour créer des milliers d'emplois et revivifier une Allemagne de l'Est sinistrée. Et il faut prouver qu'il a réussi à gagner le pari de la réunification. Et qu'il n'a pas abandonné ses compatriotes de l'Est. Le résultat dans les urnes sera-t-il à la hauteur de ses ambitions ? Parfaitement. En octobre 1994, son parti, la CDU, remporte les élections législatives avec 5 points d'avance sur les socialistes du SPD. Donc il a tout lieu d'être satisfait. Alors, bah comment va-t-on découvrir le scandale que dissimule cette affaire ? Je vous l'ai dit, le premier coup de pioche doit être donné en 1994, en février, je crois. Mais pourtant, au jour dit, rien ne se passe. Un accro ? Un sérieux accro, oui. Un nouveau président a alors pris les rênes de la compagnie Elf, à l'occasion de la deuxième cohabitation qui débute en 1993. Ouais, Édouard Balladur, Premier ministre. Et François Mitterrand, toujours président. Loïc Le Floch-Prigent a dû laisser la place à Philippe Jaffré. Et bientôt, Le Floch-Prigent aura de sérieux ennuis judiciaires. Hein. Oui, l'affaire Lena en fera partie. Jaffré est donc aux commandes et s'emploie à faire le ménage. Ouais, il va avoir de quoi faire. Ouais. Oui, parce qu'il découvrira l'existence au sommet de la hiérarchie de Elf de curieux personnages et même de véritables féodalités. Alfred Sirvin. Et André Tarallo. Deux hommes qui, par ailleurs, se détestent et jouent l'un contre l'autre. Et bien sûr, on va reparler de ces deux-là, et surtout de Sirvin. L'homme qui menaçait de faire tomber la République, hein, s'il racontait tout ce qu'il savait. Mais qui, lorsqu'il a été enfin arrêté aux Philippines, puis transféré en France, s'est bien gardé de révéler ses petits secrets. Mais je vous ai promis de reparler de Sirvin. Je reviens donc à Jaffré. Assez rapidement, en examinant le dossier Lena, il tombe des nues. Et pourquoi ? À cause du coût exorbitant de l'opération ? En effet, mais il y a bien d'autres choses. Il y a d'abord une clause secrète du contrat qui lui paraît ahurissante. Ah, une clause secrète précisée. Le principal partenaire de Elf, le puissant groupe industriel Thyssen, est autorisé à se dégager de l'opération dès la fin de la construction de la raffinerie. Et non seulement Thyssen récupérera son capital, mais il se verra aussi attribuer une part des subventions publiques qui ont été consenties à l'ENA. Une énorme somme, quelques 500 millions de marques. Ah, mais ça, c'est une clause léonine, parce que bah, si les autorités allemandes ont versé des subventions, c'est pour aider à la construction de la raffinerie et pas pour grossir les caisses d'un groupe industriel qui abandonne la partie. Ah, c'est pourquoi cette clause était secrète. Oui, mais une clause acceptée par le prédécesseur de Jaffré. Ah, malheureusement, oui. En tout cas, je peux vous le dire tout de suite, cette affaire des subventions publiques est l'une des clés de ce dossier. Et pourquoi ? Parce qu'il y a là une formidable occasion de gagner de l'argent. Une vraie pompe à finances. Enfin, n'allons pas trop vite. Ce qui inquiète surtout Jaffré, c'est qu'Elf deviendra, après le départ de Thyssen, le seul exploitant de la raffinerie. Et ça représente par conséquent une augmentation du risque financier pour Elf. Et quoi d'autre alors ? En examinant minutieusement les comptes, la nouvelle direction d'Elf constate que le prix de la raffinerie n'a cessé d'être surévalué, et au fur et à mesure des négociations, sans raison évidente. D'où ce soupçon. Si on a décidé de payer trop cher, où est passé l'argent de ce surcoût ? Petit retour en arrière pour bien comprendre les enjeux économiques qui étaient en cause au moment de la signature du contrat Lena. J'extrais ces quelques lignes d'un article d'Hélène Miard de la Croix, professeure à Paris 4. Les missions de la Treuhand Anstalt, la société fiduciaire chargée de la privatisation de tous les biens aux mains de l'État est-allemand, furent donc redéfinies pour assurer la transition de l'appareil économique est-allemand vers l'économie de marché. Sa tâche était gigantesque. Morceler, vendre et assainir le plus vite possible. Car c'était un mammouth auquel la Treuhand Anstalt s'attaquait. Elle dut gérer 8000 entreprises avec environ 4 millions de salariés, soit 46% du nombre total des salariés est-allemands. Trouver des repreneurs, vendre 14 000 magasins de détail, restaurants, cinémas, hôtels, gérer des exploitations agricoles, forestières, des entreprises de pêche, etc. Il y eut beaucoup de fermetures, le chômage fut massif. À combien peut-on estimer là, ce surcoût que vous évoquiez ? Les services secrets allemands l'ont évalué plus tard à 1 milliard de marks, soit à peu près 3 milliards de francs. Écoutez, bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vous donne un seul exemple. Le coût de la construction des réservoirs de l'ENA est initialement estimé à un peu plus de 300 millions de marks. Or, ils vont ensuite être facturés près de 900 millions. Un triplement. Or, au même moment, Shell Esso construit près de Dresde des réservoirs semblables pour 300 millions. Le prix initial prévu à l'ENA. Hein. De la même façon, il apparaît que le coût salarial des ingénieurs et même des employés a été largement surévalué. Alors je repose la question que vous avez vous-même évoquée. Où est passé l'argent ? Je vais essayer d'y répondre, mais encore un petit peu de patience. En attendant, voyons la suite des événements. Quand Jaffray découvre la clause secrète du contrat passé avec Thyssen et ses surcoûts faramineux, il sursoit donc au commencement des travaux. Et j'imagine qu'il va essayer de renégocier les accords qui ont été passés avec l'organisation chargée là, de la privatisation des sociétés est-allemandes. La Tollhand, oui. Et les Allemands acceptent ? Tout à fait. Mais de part et d'autre, on exerce de fortes pressions sur son partenaire. Toutefois, comme Kohl, pour des raisons électorales que j'ai énoncées, peut absolument aboutir, on arrive à un accord et en mai 1994, les travaux peuvent effectivement commencer sur le site de l'ENA. Alors qu'a obtenu Jaffray hein ? Elf réduit financièrement son engagement et a sans doute demandé une augmentation des subventions versées par l'État et le Länder. Ces subventions publiques hein, dont vous avez dit qu'elles étaient la clé de l'affaire. Et pour pallier le départ de Thyssen, un nouveau partenaire allemand entre dans le capital aux côtés d'Elf, le chimiste Buna, qui, il faut le remarquer, est une société nationale. Ah ben ça, c'est une nouvelle preuve que Kohl voulait vraiment que le dossier soit bouclé avant les élections législatives. C'est certain. Mais nous le verrons, il n'y avait pas que des raisons électorales. En tout cas, pour l'instant, il n'y a encore eu aucun scandale, hein, malgré toutes les anomalies dont vous avez parlé. Et anomalie est un mot bien faible. Non, jusqu'en 1997, il n'y a pas d'affaire Lena. Et c'est de France que le vent mauvais va souffler. Alors que se passe-t-il en... Jaffray, le nouveau patron d'Elf, a entrepris, je vous l'ai dit, de faire le ménage. Et tout autant désireux de régler quelques comptes avec son prédécesseur le floc prigeant, hein, que d'assainir son entreprise, il a saisi la justice au sujet de pratiques douteuses. Mais ce faisant, il a ouvert la boîte de Pandore. Ça commence en 1994 avec l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire Elf-Biedermann. Et donc la découverte que l'argent de la compagnie Elf ne servait pas seulement à financer des projets pétroliers. Hein. Non, Elf pouvait être à l'occasion très généreuse et servir à renflouer des entreprises amies, ou tout simplement des amis politiques dans le besoin. Beaucoup trop. Hein. Ça tenait à l'histoire de la maison, et si je puis dire à sa culture. Elf, vous ne l'ignorez pas, car nous en avons souvent parlé, a été créé pour être l'instrument de la politique énergétique de la France. De Gaulle. Hein. Il n'est pas anodin de rappeler que son premier président a été un homme qui a été très proche des services de renseignement. Oui, Guillaume Arre. Elf possédait même son propre service. Qui recrutait parmi les anciens du SDEC et à l'occasion pouvait travailler pour les intérêts français là où officiellement Paris ne pouvait pas agir. Elf, vous le savez, était l'une des pièces essentielles de la France-Afrique. Mais au-delà de ses missions plus ou moins clandestines, Elf a aussi beaucoup rendu service, enfin au sens propre du terme. Tel ou tel homme politique avait besoin d'un avion pour se rendre en Afrique. Il empruntait un appareil de la compagnie qui possédait une vraie flotte. C'était donc les hommes proches du pouvoir qui ont bénéficié de ses faveurs. Oui, messieurs Pasqua, Marchiani ou encore Léandri ont beaucoup voyagé à bord des Falcons de Elf. Mais quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle en a usé de la même façon. D'ailleurs, quand il prendra la présidence de la compagnie, Jaffray s'empressera de vendre ses avions dispendieux. Mais les extravagances financières d'Elf ne s'arrêtaient pas là. On a pu aussi mettre en évidence quelques opérations immobilières. Puis il y avait la perle de la compagnie, sa filiale internationale, établie en Suisse et présidée par Alfred Sirvin. Ouais. C'est cette branche qui va être au centre de ce que l'on a appelé l'affaire Elf. Oui, car on découvrira que Sirvin pouvait ainsi rémunérer, ou plutôt corrompre, des dizaines de personnalités et leur entourage, de droite et de gauche. Mais Elf International était aussi une machine à fabriquer des fausses factures. Ça permettait à Sirvin, mais aussi aux autres dirigeants de la compagnie, de payer des travaux bidons à quelques obligés. Et comme tout cela se passait en Suisse, à l'abri du secret bancaire, il a été pratiquement impossible de remonter la filière de ces versements illicites. Il y aura également, enfin c'est hors sujet aujourd'hui, le financement de quelques guerres africaines. Bien évidemment. Je vous ai autrefois raconté qu'il est arrivé qu'un Taralo finance un camp tandis que Sirvin arrosait ses adversaires. Enfin, passons. Donc, alors que la juge Eva Joly instruit avec ténacité l'affaire Elf, le nom de la raffinerie Lena surgit soudain dans le dossier. Et comment alors ? C'est un ancien cadre qui jette ce pavé dans la mare et évoque l'intervention d'intermédiaires payés à prix d'or par la compagnie. À partir de là, les justices françaises et allemandes vont évider la pelote et peu à peu découvrir une partie de la vérité. Une partie seulement ? Oui, car dans cette affaire, comme dans bien d'autres semblables, il demeurera de nombreuses zones d'ombre. Et sans déflorer la suite de cette histoire, je peux vous assurer qu'on a uniquement dévoilé la partie émergée de l'iceberg. Une question d'abord. Si vous parlez d'intermédiaire, il y a eu versement de commission. Eh oui, c'est évident. Mais pourquoi alors ? Puisqu'il y avait de part et d'autre une volonté politique d'aboutir. On n'aurait, en principe, pas eu besoin de passer par les intermédiaires. Mais vous oubliez la chasse aux subventions publiques. Pour obtenir cette manne considérable, il faut négocier. Négocier et corrompre, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire verser les pots de vin. Exactement. Et pour les Allemands, cette découverte va être particulièrement traumatisante. Mais pourquoi alors ? Parce que les citoyens allemands étaient sincèrement persuadés que leur république était vertueuse. Et qu'on n'y connaissait pas ces mœurs décadentes qui affligent tant d'autres pays. Dont la France. Et évidemment. Pourtant, la semaine passée, vous avez parlé d'une entreprise de corruption qui avait déjà affecté la CDU du temps du chancelier Adenauer. Ah, c'est vrai, mais c'était le passé. Enfin bref, les Allemands réalisent soudain que leur pays est un pays comme les autres. Oui, c'est à peu près ça. Et ce choc va être d'autant plus fort que les Allemands vont découvrir que le premier d'entre eux est compromis. Le chancelier Kohl. Oui, l'artisan de la réunification, un personnage unanimement respecté. Et donc insoupçonnable. Or, l'enquête conduite par une commission parlementaire du Parlement, le Bundestag, va démontrer que le parti de Kohl, la CDU, a reçu ces dernières années près d'1 million d'euros d'argent noir, des versements qui n'ont jamais été déclarés, alors que la loi allemande oblige les partis politiques à rendre public des dons supérieurs à 10 000 euros. Et puis, c'est le déshonneur pour Helmut Kohl. Et la fin de sa carrière politique, car il ne se relèvera pas. N'entre pas dans les détails judiciaires, mais il faut toutefois dire que le chancelier reconnaîtra ses versements illégaux. Mais il contestera toujours avoir personnellement bénéficié de cet argent noir. Comme il refusera aussi de livrer le nom des généreux donateurs qui ont financé son parti. En tout cas, condamné à payer une grosse amende, Kohl sera néanmoins finalement blanchi. Pour service rendu. On peut l'imaginer. Kohl était une icône pour ses concitoyens. Quoi qu'il en soit, cette affaire va également permettre de dévoiler d'autres malversations au sein de la CDU. Sans doute encore plus graves. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. L'affaire Lena a secoué l'Allemagne, a dit M. X. Et très vite, les dirigeants de la CDU, et donc Kohl en personne, ont tout fait pour étouffer l'affaire. Voici par exemple ce qu'on peut lire dans un article du Figaro de 2000. Je cite. À trois reprises, le 30 septembre ainsi que les 6 et 20 octobre 1998, la chancellerie à Bonn fait le ménage avant l'arrivée de la coalition rouge-verte, laquelle, un an plus tard, constate l'absence d'archives sur 7 dossiers. Et surtout, celui de la vente en 1992 de la raffinerie est-allemande Lena à Elf Aquitaine, un élément clé dans le scandale du financement occulte de la CDU qui fait alors rage. Un premier examen est confié au libéral Burkhard Hirsch, connu pour ses mauvaises relations avec Helmut Kohl. Il conclut que des dossiers ont disparu et que les deux tiers des données informatiques ont été secrètement effacées de l'ordinateur central. La chancellerie, la nouvelle chancellerie, porte plainte contre X en juillet 2000. Qu'en est-il là de ces autres malversations que vous évoquiez ? Bon, je vais aller vite car ça ne concerne pas directement l'affaire Lena, mais en novembre 2000, on découvre qu'à l'occasion de la vente de blindés à l'Arabie Saoudite, un marchand d'armes proche des services secrets a largement arrosé le trésorier de la CDU, Walter Kieper. Directeur aux commissions ? Vraisemblablement. Ce n'est pas tout. La CDU aurait aussi touché lors de la vente d'Airbus et d'hélicoptères et également lors de la privatisation des chemins de fer. Et dans l'affaire Lena, on va retrouver les mêmes, et en particulier le trésorier de la CDU. Ce qui peut. En effet. Est-ce qu'il y a eu enrichissement personnel pour certains ? C'est presque sûr. Mais sur ce point aussi, il faut remarquer que Helmut Kohl a été blanchi par la justice de son pays. Cependant, avant de voir de plus près l'implication des Français de Elf dans cette affaire de corruption, encore un mot côté allemand, et ça vous rappellera peut-être une affaire dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Mais quoi ? L'affaire des frégates de Taïwan, où l'on a dénombré plusieurs morts suspectes. En janvier 2001, un milliardaire allemand qui possédait une résidence sur la Côte d'Azur a fait une chute malencontreuse et il en est mort. Une chute ? Il est tombé du haut de son escalier. Et qui était cet homme ? Un homme d'affaires qui s'appelait Dieterlme Oehner. C'était un proche du chancelier Helmut Kohl et aussi d'un certain Dieter Holzer, l'un des intermédiaires de l'affaire Lena. Et vous pensez à un assassinat ? Je n'ai aucune certitude, mais quelques aspects sont quand même intrigants. La position du corps, d'abord. D'après les premières constatations, elle ne correspondrait pas à la version d'une chute accidentelle. Le fait aussi que la nuit où Oehner a trouvé la mort, le circuit de vidéosurveillance de sa villa était débranché. Et enfin, le milliardaire aurait déclaré que sa vie était menacée car il possédait des dossiers explosifs sur les affaires brûlantes. Sur Lena ? Pourquoi pas ? Mais on en saura peut-être plus un jour. Le chef d'orchestre, c'est bien sûr le machiavélique Alfred Sirvin, le patron de la filiale suisse d'Elf. Et d'abord parce que c'est lui qui, d'un trait de plume, a débloqué une somme de 256 millions de francs pour payer les intermédiaires. Ces intermédiaires qui iront à la chasse aux subventions dont vous avez parlé. En principe, oui. Mais vous allez le voir, cet argent empruntera des chemins si détournés qu'il sera difficile de savoir à quoi cet argent a été vraiment utilisé. Il faut ajouter que Sirvin ne s'oubliera pas et qu'il touchera une partie des commissions versées par le partenaire allemand d'Elf. C'est-à-dire le groupe Thyssen ? Après Sirvin, l'homme qui s'occupe du dossier au sein de la compagnie s'appelle Hubert Leblanc-Bellevaux. Un personnage un peu mystérieux. Et pourquoi ? Parce que le secret semble être une seconde nature chez lui, quoi qu'il en soit. C'est lui qui va faire en sorte que l'attribution des commissions soit justifiée par des travaux bidons. Par exemple, la rédaction d'une étude sur la faisabilité de l'opération Lena. Ou même encore la traduction d'un énorme ouvrage sur les hydrocarbures. Et plus tard, quand le plancher deviendra brûlant, il prétendra qu'il avait fallu payer des commissions à des agents de l'ex-Stasi ou des services spéciaux. Et aussi à des gérants des stations-service du réseau Minol. Ouais, autant de rideaux de fumée. Qui n'abuseront pas longtemps la justice. Ensuite, dans l'architecture du montage, on trouve un homme dont on se demande ce qu'il vient faire dans cette histoire. Qui alors ? André Guelfi, le fameux Dédé la sardine. Encore lui ? On l'a déjà rencontré récemment, dans l'affaire des frégates et même dans le dossier Samaranch. Et comment arrive-t-il là, lui ? C'est un ami à lui, le directeur de la branche raffinage d'Elf, Alain Guillon, qui va le mettre sur le coup. Guillon, qui lui aussi aurait, selon les magistrats instructeurs, perçu une part du gâteau. Décidément. Hein. Et le rôle de Guelfi ? C'est une sorte de passeur. L'argent des commissions, ces fameux 256 millions, vont être versés sur le compte de l'une de ces sociétés domiciliées au Liechtenstein. À charge pour lui de redistribuer ces sommes. Non, sans prendre un pourcentage au passage. Deux intermédiaires qui ont été choisis par Leblanc-Bellevaux. Alors, et qui sont ces intermédiaires-là ? Le premier est français. Il s'appelle Pierre Laitier. Et c'est un ancien des services de renseignement. Soyez pas étonnés, tout au long des méandres de cette affaire, on rencontre des gens qui ont appartenu au service. Et ce n'est certainement pas un hasard. Pourquoi alors ? Bah parce que les hommes qui ont travaillé dans ce milieu sont en principe les mieux à même d'agir en secret. Ce laitier a donc quitté la DGSE, où il a occupé de hautes fonctions, pour se reconvertir dans les affaires. Mais de quel genre, les affaires ? L'exportation de matériel aéronautique, par exemple. Ouais, de l'aéronautique un peu militaire ? C'est très possible. Ça rappelle exactement le parcours d'un autre agent secret, un Thierry Imbeau. Hein. Imbeau qui a vraisemblablement été assassiné à cause de ce qu'il savait à propos des frégates de Taïwan. Non seulement les profils des deux anciens agents secrets étaient semblables, mais ils se connaissaient forcément. Ouais. Et le deuxième intermédiaire ? C'est un Allemand, recruté par Laitier, qui l'a rencontré à Beyrouth, au moment de la crise des otages occidentaux. Dieter Holzer était alors consul d'Allemagne. Lié au service secret, lui aussi ? Honorable correspondant des services allemands, presque certainement. Mais aussi un homme qui possède un très intéressant carnet d'adresses. Il connaît pratiquement tous les gens qui comptent dans l'administration allemande. Bah, c'est bien pratique quand on pratique la chasse aux subventions. Hein. Et lui et son ami Laitier vont quand même en ramasser pour la coquette somme de 3 milliards de francs. Holzer, pour remplir sa mission, s'est adjoint un homme influent, mais plutôt sulfureux. Ludwig Holger Feiss. Et d'où vient-il, celui-là, alors ? Il a un parcours plutôt sinueux, une petite cinquantaine au moment des faits. Feiss a d'abord été juge, avant de se lancer en politique dans la CSU, le parti du taureau de Bavière. Franz Josef Strauss. La CSU étant la filiale bavaroise de la CDU. Hein. Oui, Feiss a fait une brillante carrière. Il a dirigé l'Office de protection de la Constitution, la deuxième branche des services de renseignement, avant d'être nommé secrétaire d'État à la défense du chancelier Kohl. Mais en 1992, il doit démissionner à la suite d'une affaire trouble. Trouble, c'est-à-dire ? Une vente illicite de matériel à Israël. Mais on s'apercevra aussi qu'il a touché un important pot de vin dans cette affaire de vente de blindés à l'Arabie Saoudite. Et je relève surtout que c'est encore un personnage qui a appartenu au monde du renseignement. Mais c'est surtout sa proximité avec le chancelier Kohl et la CDU qui alimentera le soupçon de financement politique occulte. Alors, reprenons le fil de cette histoire de commission. Les 256 millions sont donc versés à Guelfi, qui presque instantanément les fait virer en Suisse sur deux comptes bancaires. Pour brouiller les pistes ? Ça me paraît évident. Plus l'argent circule et plus il est difficile de remonter sa piste. Et ces deux comptes bancaires, là ? L'un a été ouvert au nom d'une société qui appartient à Laitier et l'autre à Holzer. Ouais. Les deux chasseurs de subventions. Oui. Laitier touche ainsi 96 millions et son comparse allemand 160. Mais ce dernier en reversera 50 à son complice, Feiss. Et une partie de cet argent se retrouvera ensuite dans les caisses noires de la CDU ? C'est probable, même si on n'a jamais pu le prouver formellement. On a même émis l'hypothèse, étant donné la présence dans cette affaire de nombreux personnages qui ont fricoté avec le monde du renseignement, que les services ont aussi reçu leur obol. Mais attendez, Laitier et Holzer, là, ont tout de même rempli leur mission, puisqu'ils avaient dit qu'ils avaient récolté 3 milliards de subventions publiques. Et ils pouvaient donc prétendre que les 256 millions représentaient leur juste rétribution dans leur affaire de lobbying. Ça a été effectivement la défense de Laitier, quand la justice a fini par s'intéresser à lui. Mais pouvait-il avouer que cet argent avait servi à corrompre des hommes politiques allemands ? Dans ce milieu, il n'est pas toujours très prudent de parler. Alors quand Laitier a été coincé par la justice, il s'est tu et il a tout pris sur son dos. Ah, il a été condamné ? Pour abus de biens sociaux. Il a pris 15 mois de prison et il a dû payer une amende d'1,5 million. Son comparse allemand aussi ? Oui, oui, mais si vous voulez mon avis, dans cette affaire, il reste tout un pan qui demeure inconnu. La partie immergée de l'iceberg, pour reprendre votre expression. J'en suis persuadé. À l'occasion de cette affaire, Lena, il y a eu de tels transferts d'argent que ces 256 millions de commissions touchées par Laitier et Holzer me semblent ridiculement faibles. Et puis, il resterait aussi à préciser quel a été véritablement le rôle des services secrets. Mais on ne le saura vraisemblablement jamais. En fait, tous les protagonistes ont eu le sentiment qu'ils pouvaient agir en toute impunité. Et pour quelle raison ? Parce qu'il y avait d'abord un ordre présidentiel qui primait tout. Il fallait aboutir à tout prix pour faire plaisir au chancelier Kohl. Un des hommes clés de cette affaire est donc celui qui a réparti les commissions sur ordre de Sirvin, Hubert, Leblanc, Bellevaux. Dans Le Monde du 28 mai 1997, le journaliste Hervé Gattegno en parle ainsi. 007, c'est ainsi qu'était surnommé à la tour Elf, Hubert, Leblanc, Bellevaux, en raison de ses manières mystérieuses et de sa propension au secret. Intermédiaire sous contrat avec Elf, cet ancien énarque, curieusement radié du corps des administrateurs civils, poussait la discrétion jusqu'à refuser d'afficher son nom sur la porte de son bureau. Même le plan de sécurité de l'étage ne mentionnait que ses initiales, se souvient un ancien cadre d'Elf. Ayant dirigé la banque Gadouin et de développement industriel et commercial, GADIC, qui a fait faillite en 1980, M. Leblanc-Bellevaux avait été recruté à Elf par Alfred Sirvin, alors directeur chargé des affaires générales aux côtés de Loïc Lefloc-Prigent. Des livres enfin de Karl Lasque, des coffres si bien garnis, et de Jean Guinel, des armes de corruption massive qui est paru récemment. Et puis, il y a quelques semaines, je vous recommandais la lecture de l'ouvrage de Michel Bouju, Le jour où Gary Cooper est mort. Ce cinéphile de grand talent racontait comment il avait choisi de ne pas combattre en Algérie. Michel Bouju est mort dimanche dernier. Un esprit libre s'en va. Il reste heureusement son œuvre. Des ouvrages dont vous pourrez, comme à l'habitude, retrouver les références sur franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de passer à la balado-diffusion, le podcast quoi. À samedi prochain, Rebecca Donnant et Pierre Firsion ont préparé cette émission. Michel Billou l'a réalisée et Monsieur Joub l'a mise en musique. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.